bien vous fasse sur France Inter. Votre collègue de bureau est sur le point d'obtenir la promotion que vous escomptiez. La nouvelle application Steel Jobs, créée en partenariat avec la NSA, vous permet de rester en pole position pour la prochaine promotion. En téléchargeant l'application Steel Jobs, vous piratez en toute tranquillité compte mail, téléphone et autres objets connectés de votre rival. SMS d'insultes envoyés aux clients, suppression de documents sensibles de l'entreprise, harcèlement moral par courriel, vous usurpez l'identité de votre concurrent sur le réseau de l'entreprise et torpillez sa carrière en un clic. Grâce à son simulateur vocal intégré, vous pouvez également vous faire passer pour votre collègue au téléphone et ainsi harceler sexuellement la femme du patron sans vous faire démasquer. Et pour un abonnement premium à l'application Steel Jobs avant le 17 mars, l'application Steel Wives vous est offerte. Steel Jobs, une application Poodle Life.